Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. C'est une petite brochure, ce qui tombe bien, elle est destinée à circuler sous le manteau. En mai 1944, le journal Libération pour la zone sud publie sous le titre « Les jours heureux » le programme du Conseil national de la Résistance. Il commence par ces mots. « Née de la volonté ardente des Français de refuser la défaite, la Résistance n'a pas d'autre raison d'être que la lutte quotidienne sans cesse intensifiée. » Regardons la brochure. Première partie, plan d'action immédiat. Très bien. Seconde partie, mesures à appliquer dès la libération du territoire. Et là, nous lisons dans ce programme une prévision pour le monde d'après. Un programme, oui, voici vers quoi nous allons, vers les jours heureux. Un plan complet de sécurité sociale visant à assurer à tous les citoyens des moyens d'existence dans tous les cas où ils sont incapables de se le procurer par le travail, avec gestion appartenant aux représentants des intéressés et de l'État. Mettre ces mots par écrit, les faire accepter par les différents mouvements de résistance, fut un combat. Faire appliquer ce programme en fut un autre. Après l'horreur de la guerre, il n'est pas simple d'imposer les jours heureux, pas simple non plus de les conserver. Dans le cours de l'histoire sur France Culture, mais où sont passés les jours heureux? Cette semaine, nous nous intéressons à la résistance. Comment unir ce qui est désuni? Le témoignage à Danette Beaumanoir et puis la mise en place du programme du Conseil National de la Résistance. Des émissions à réécouter sur le site internet franceculture.fr ou bien en podcast, c'est la balado-diffusion. Et puis, vous pouvez nous rejoindre sur le groupe Facebook Le Cours de l'Histoire pour commenter ces émissions, pour suivre l'actualité du cours de l'histoire. Un groupe Facebook où vous êtes de plus en plus nombreux. Et aujourd'hui, un regard sur la sécurité sociale, un regard historique et un regard militant aussi avec vous, Gilles Perret. Bonjour. Bonjour. Vous êtes réalisateur de films, de documentaires. Vous êtes notamment intéressé à l'histoire du Conseil national de la Résistance et à ses héritages. Et cette notion nous intéresse, nous particulièrement, ses héritages. Dans votre film Les Jours Heureux, c'était en 2013. Et puis ensuite, il y a eu la sociale autour de la sécurité sociale en 2016. Gilles Perret, pourquoi en 2013 vouloir faire un film documentaire sur Les Jours Heureux, c'est-à-dire le programme du Conseil national de la Résistance? Quand vous dites militant, je suis plutôt militant pour faire connaître ce pan-là de l'histoire, cette histoire sociale qui est fort méconnue. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que finalement ce programme du Conseil national de la Résistance avait une influence sur notre vie quotidienne, c'est-à-dire que tous les jours on bénéficie d'une de ces mesures et que finalement quasiment personne ne connaissait la provenance, d'autant plus qu'en 2013, il y a eu un progrès depuis, puisqu'aujourd'hui tout le monde mentionne les jours heureux dans les discours politiques, etc. Mais il y avait un vrai manque. Donc du coup, j'ai essayé de combler ce manque et fort heureusement, j'ai pu bénéficier du témoignage et de l'amitié de grandes figures de la résistance qui, à l'époque, étaient encore en vie et ont quasiment tous disparu aujourd'hui. Il y a cet aspect essentiel dans votre travail, Gilles Perret, cette démarche de passeur d'histoire et de collecte de témoignages. Et c'est vrai que vous venez de le dire, hein, le temps passe, les témoins disparaissent. Et pour les jours heureux, oui, vous avez pu rencontrer des gens qui ont été au cœur de la mise en place de ce programme du Conseil national de la Résistance et puis de la sécurité sociale. Qui sont ces grandes figures que vous avez rencontrées? Moi, j'ai eu la chance de passer beaucoup de temps avec Raymond Aubrac jusqu'à sa mort, Stéphane Hessel, puisqu'un de mes premiers films avait donné naissance ensuite à son livre Indignez-vous, c'était Walter Retour en Résistance, Robert Chambeyron, qui était le secrétaire du Conseil national de la Résistance, Daniel Cordier, je vais en oublier, Léon Landini, militant communiste de la FTP MOI sur Lyon, enfin voilà, beaucoup de gens, Léon qui est encore en vie, tout comme Daniel Cordier, qui sont les deux derniers à être en vie, enfin voilà, beaucoup de belles figures et surtout la chance d'avoir passé du temps avec Raymond Aubrac, c'est de voir que ces gens-là qu'on a toujours présentés comme des héros, et c'est comme ça qu'on présentait la résistance, c'est comme ça que je l'ai appris et j'imagine vous aussi, à l'école c'était une histoire de pistolets, d'armes, de faits d'armes, de héros qui se battaient contre les méchants allemands et les méchants collaborateurs, mais c'est vrai que la pensée politique de ces gens-là, on l'a passée sous silence. Et donc quand on passe du temps avec ces gens-là, et notamment, je citerai Raymond Aubrac, mais ça peut être Walter Bassan et Robert Chambeyron, fond, on voit que ce programme du Conseil national, c'est toute leur vie, et jusqu'à leur mort, c'est-à-dire que leur questionnement jusqu'à la mort, c'était comment on va faire pour réinstaller les jours heureux, comment on réactualise le programme du CNR, il faut que les nouvelles générations prennent le relais parce que nous, on va disparaître, et donc c'est toujours des gens qui sont pas, qui ont pas regardé dans le rétroviseur et qui se sont laissés endormir par la gloriole, par des légions d'honneur, par des invitations à l'Élysée, mais qui étaient encore dans la volonté de transformer le monde pour établir plus d'égalité, augmenter le social et puis créer un État qui a un vrai rôle avec des citoyens qui votent et qui ont des vrais choix et qui ne sont pas étouffés par l'économie ou l'idéologie libérale qui était déjà présente dans ces années-là. Donc voilà, quand on était avec eux, on était dans l'histoire. C'est vrai que moi, c'est des gens, je pensais jamais les rencontrer dans la vraie vie, mais les discussions portaient toujours sur le présent et sur le futur. Oui, Gilles Perret, vous avez dû être étonné comment ces gens-là, qui étaient devenus de vieilles personnes, des vieux monsieur, de vieilles dames, gardaient en fait cette vivacité intellectuelle d'analyse de la situation. C'est que le monde de 1944, ce monde à construire, ce monde des jours heureux, fait écho sans cesse à notre présent. Il y a ça que l'on retrouve dans vos documentaires, hein, Les jours heureux et la sociale. Oui, c'est ça. On croit que c'était tous ces gens-là, ces hommes et ces femmes, étaient des gens optimistes, donc ils créent un programme et ils rédigent un programme qui lui-même est optimiste pour la vie d'après, parce que vous imaginez bien qu'écrire un programme alors que la France est occupée, que c'est dans les années les pires, 43-44 au niveau de la répression contre les Juifs, contre les opposants politiques, contre les Tziganes, c'était les pires, et écrire un programme avec une telle ambition politique vers les jours heureux, il fallait quand même être très très optimiste et aussi se dire que ça allait être possible et que ça pouvait être possible rapidement. Ça donne aussi des leçons pour le présent toujours. C'est que finalement Raymond Aubrac me disait, imagine, lui il se fait arrêter le 21 juin 43 avec Jean Moulin à Lyon. Enfin, il dit voilà, on était enfermés, on était torturés. Enfin, tout le monde était dans un état lamentable et c'était une vraie catastrophe. Et qui aurait imaginé qu'un an et demi plus tard, on allait faire la sécurité sociale, on allait nationaliser les banques, on allait créer les comités d'entreprise, on allait rétablir la liberté de la presse. Donc, il fallait cette dose d'optimisme. Et effectivement, si c'était des vieux monsieur et des vieilles dames, dans le verbe et dans l'attitude, ils étaient très jeunes et à mon avis beaucoup plus jeunes que des gens qui nous instaurent un vieux monde et qui veulent nous réinstaurer un vieux monde aujourd'hui, quoi. Gilles Perret, quand vous faites votre documentaire Les jours heureux, c'est en 2013, vous êtes dans une démarche de mettre en avant quelque chose qui vous paraît oublié, ce programme du Conseil national de la résistance, Les jours heureux, et à juste titre, effectivement, il faut le mettre en avant en écoutant la parole des témoins. Mais 3 ans plus tard, en 2016, vous faites La sociale. Alors La sociale, pourquoi ce film? En fait, il découle du premier film, de ce que vous avez pu constater à la sortie des jours heureux. C'est exactement ça. C'est que moi, j'ai pour habitude de circuler partout en France avec mes films dans les cinémas principalement art et essai. Je me suis rendu compte que déjà les gens découvraient pour la plupart l'ampleur de ce programme du Conseil national, la résistance et son ambition. Mais je me suis rendu compte aussi que la mesure phare du programme, qui est la sécurité sociale, finalement, il y avait très peu de gens qui connaissaient la provenance. Alors, auprès d'un public qui fréquente les cinémas art et essai, on disait c'est la libération, c'est De Gaulle. Enfin, il y avait quand même quelques notions. Mais c'est dire que c'est De Gaulle, c'est pas vraiment ça. Et c'était comme donc il y avait un grand besoin d'éclairer un petit peu cette histoire-là. Et du coup, je me suis lancé effectivement dans ce film, La sociale, pour rétablir un peu des vérités, mais aussi pour redonner un peu d'honneur à tous ces gens qui se sont battus parce que finalement on est né avec cette sécurité sociale. On a l'impression qu'elle a toujours existé, mais finalement il faut bien se dire que à la libération personne n'en voulait et que ça a été une bagarre terrible pour pouvoir l'imposer et que c'était pas si évident que ça. Et puis mettre en avant des figures, c'est quelque chose que l'on oublie parfois quand on fait l'étude d'institutions, la sécurité sociale par exemple. Non, l'historien, l'historienne met toujours en avant des figures, et vous, Gilles Perret, en tant que réalisateur, vous faites la même démarche en fait. Il y a de la chair dans cette histoire-là, et parmi les grandes figures de l'histoire de la sécurité sociale, il y en a une qui est essentielle, c'est celle d'Ambroise Croizat. Vous nous le présentez, Gilles Perret ? Oui, effectivement, hein, l'histoire est faite aussi par des affects et par des bagarres. Ambroise Croizat, c'est un homme qui naît en Savoie et qui naît dans la misère ouvrière, qui part ensuite à Lyon travailler. Il est ajusteur, il travaille dans les usines tout le temps et il connaît la faim et dans de grandes difficultés. Puis il devient assez rapidement syndicaliste à la CGT. Puis il adhère au Parti communiste tout en étant toujours secrétaire général de la Fédération des métaux. Il devient député communiste en 1936 sur le gouvernement du Front populaire. Et en fait, c'est une vie de militant pied à pied de misère aussi, mais avec cette envie de changer le monde. Hein. C'est des militants qui passaient de ville en ville et qui avaient pour seul revenu finalement les revues de la CGT qui vendaient au coup par coup pour pouvoir se payer à manger. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui a connu vraiment à la fois le monde du travail et à la fois la misère ouvrière et qui du coup se fait arrêter en 1940 quand les députés communistes sont arrêtés par le gouvernement français. Hein, il n'y avait pas encore les Allemands et les nazis à la porte quand le Parti communiste est interdit. Et puis donc il va passer de prison en prison française toujours avant d'être déporté au bagne d'Alger en 1941 et il va être libéré dès le débarquement justement en Afrique du Nord des Américains qui le laissent encore 3 ou 4 mois en prison et puis ensuite il est libéré et on le retrouve au gouvernement provisoire à Alger et ensuite à la libération il est nommé par le général de Gaulle ministre du Travail. Gilles Perret, je vous propose d'écouter la voix d'Ambroise Croizat lors d'un discours à l'occasion de l'installation du Conseil central de la sécurité sociale de la région parisienne. C'était le 25 avril 1946. Et ceci est un des caractères les plus originaux du plan français. Celui-ci prévoit la remise complète entre les mains des assurés eux-mêmes de la gestion des organismes de sécurité sociale. Mais ces dispositions supposent évidemment une éducation toujours plus approfondie des assurés qui doivent s'intéresser beaucoup plus directement qu'ils ne l'ont fait jusqu'à présent au fonctionnement de toute l'organisation. Ainsi, nous construirons le grand édifice social qui prévoit dans son cadre toutes les améliorations possibles. Il est permis d'envisager que demain, la sécurité sociale assurera à tous les hommes et à toutes les femmes une certitude quant à leur possibilité de vie, la prévention des accidents et leur réparation, l'indemnisation de toutes les pertes de travail, telles que le chômage et l'assurance contre tous les risques sociaux. La voix d'Ambroise Croizat. Ambroise Croizat dans un discours en avril 1946 dans le cours de l'histoire sur France Culture. Gilles Perret, la voix d'Ambroise Croizat, c'est la voix d'un homme qui s'est battu, d'un homme qui a porté un combat, mais un combat qui est beaucoup plus large en fait. Le combat de la sécurité sociale. Alors, il y a bien sûr toute une histoire à construire de la sécurité sociale. Le comité d'histoire de la sécurité sociale travaille énormément. Il y a un numéro qui va paraître de la revue d'histoire de la sécurité sociale sur toutes ces démarches qui visent à rendre le quotidien, la vie, l'existence tout simplement plus sûre et plus sereine en soignant les gens. Parce qu'il faut rappeler hein, le contexte, avant la sécurité sociale, si vous étiez malade, il était bien difficile de se faire soigner s'il n'y avait pas d'argent. C'est ça, oui. Dans mon film, il y a une citation d'un paysan qui, pour faire soigner son fils de l'appendicite, avait dû vendre 2 vaches sur 3. Quoi. Donc, vous voyez, c'était vraiment l'angoisse. Et la citation d'Ambroise Croizat avec la création de la sécurité sociale, c'était il faut se débarrasser des angoisses du lendemain. C'est-à-dire, puisque la sécurité sociale, c'est non seulement la santé, mais c'est aussi les retraites qui étaient généralisées pour tous. Et donc, du coup, c'était vraiment dans cette idée-là d'être dans la tranquillité sociale et pas d'être soumis à des petits contrats et tous les aléas de la vie, se débarrasser des aléas de la vie. Et puis, il faut rappeler, hein, malgré tout, et là vous avez cité, Gilles Perret, le cas d'un paysan, qu'il existait déjà des structures pour protéger les gens, des caisses en fait de sécurité sociale. En fait, c'était un monde extrêmement explosé. Il y avait cette réflexion avant-guerre. Oui, bien sûr. La mutualité prend naissance à la fin du 19e et prend part petit à petit. Il y avait aussi des assurances privées, mais tout ça était très, très éclaté et très disparate dans les prestations. Et la force de la sécurité sociale, c'était d'unifier tout ça, de mettre tout le monde dans la même caisse, ce qui fait que il y a des coûts, toujours des coûts aujourd'hui qui sont beaucoup moins élevés, des coûts de fonctionnement qui sont 3 à 4 fois moins élevés encore aujourd'hui par rapport aux complémentaires privés qu'on connaît. Donc c'est très très efficace, mais c'est sûr que ça a fâché. Il fallait cette force à la libération pour pouvoir imposer ça, hein. Le rapport de force, c'était presque 30% des votes pour le Parti communiste et puis 5 millions d'adhérents à la CGT. C'est la CGT qui met en place cette sécurité sociale en seulement 8 mois. Donc il fallait vraiment ce rapport de force pour pouvoir imposer ça. Mais évidemment que ça fâchait beaucoup. Vous imaginez bien que les assurances privées, la mutualité qui s'était installée un petit peu aussi dans son confort, les médecins, enfin tout le monde voyait ça d'un très mauvais œil parce que ça avait été réquisitionné et tout le monde devait à la fois être dans la même boutique, on va dire, mais en plus tout ça c'était régi par les syndicats et par les cotisations des travailleurs eux-mêmes, c'est-à-dire que ni le pouvoir politique, ni les instances privées, ni les médecins n'avaient de droit de regard sur cette institution. Donc c'était ça la force en fait, c'était de consacrer une part du budget du PIB français énorme à la protection sociale, mais que ce soit les salariés eux-mêmes qui gèrent leur caisse. Dès le mois de mars 1944, le programme du Conseil national de la Résistance évoque la nécessité de mettre en place une sécurité sociale pour tout le monde. Et pourtant, une fois la libération obtenue, il est difficile de l'imposer. Gilles Perret, vous avez rencontré, vous, des témoins qui vous ont expliqué comment ça s'est concrètement passé dans ces années-là, ce qui avait été accepté pendant la guerre. Une fois la libération étant là, c'est moins facilement accepté. Bah oui, bien sûr, parce que c'est vrai que la belle histoire qu'on raconte de temps en temps du Conseil national de la Résistance, c'est comme s'il y avait aujourd'hui, on dirait l'unité nationale, ce qui revient en vogue, alors que c'était pas du tout la question d'être tous copains autour d'une table et de faire un programme mou. C'était dans le rapport de force, et donc du coup, il y a des gens autour de la table du CNR qui ont signé ce programme parce qu'ils étaient un peu obligés de le signer, parce que déjà que si leur force avait collaboré pendant la guerre, ils représentaient pas grand chose à la libération, donc s'ils n'avaient pas accepté de signer ce programme, ils auraient représenté moins que rien. Donc le rapport de force qui était établi pendant la résistance pour les forces progressistes, communistes et une partie des socialistes, finalement fait que les gens sont obligés de signer ce programme. Mais du coup, à la libération, il y en a qui ont commencé à serrer les freins, on va dire. Et donc, du coup, toutes les grandes mesures qui ont été mises en place l'ont principalement été par les ministres communistes. C'est vrai pour EDF, c'est vrai pour les statuts de la fonction publique, et c'est vrai aussi pour la sécurité sociale. Donc, et il fallait aller vite, parce que finalement, la fenêtre de tir, ce rapport de force dont on parle ce matin, finalement, il va pas tenir très longtemps. Dès que la guerre froide arrive, tout ça va, chacun va repartir dans ses retranchements, et donc du coup, il faut aller vite pour passer toutes ces mesures pendant que le rapport de force est favorable. D'ailleurs, pas tout le programme du Conseil national de la Résistance a pu être mis en place, et y compris les volontés d'Ambroise Croizat, qui voulait aussi intégrer dans la sécurité sociale la protection contre le chômage. Et finalement, ça va être créé 4 ans plus tard et pas sous la forme, la même forme que la sécurité sociale. C'est-à-dire que la sécurité sociale a été créée avec seulement 25% pour le syndicat patronal et la protection pour l'emploi, c'est la parité. Donc c'est déjà finalement la fin de la domination, on va dire, des salariés sur ces institutions. Oui, Gilles Perret, il serait possible de lire l'histoire de l'après-guerre à travers la sécurité sociale, de voir en fait les différents rapports de force. Il y a quand même une question qui se pose sur la mémoire, parce que vous êtes réalisateur, vous avez rencontré des témoins, et puis vous êtes intéressé à la question. Quelle mémoire est restée d'Ambroise Croizat au sein même de la CGT, des mouvements auxquels il appartenait? Moi, je crois qu'à la CGT, le travail de transmission a été fait. Enfin, j'imagine, hein, je suis pas dans les instances de la CGT, mais son nom résonne de plus en plus. Je pense aussi que mon travail, mais le travail de Michel Etiévan, qui est son biographe, ont contribué à ça, mais pas à la hauteur de ce qu'a été cet homme. Il faut vous dire que, parce qu'à la limite, là, on parle que de la CGT et du Parti communiste, mais c'est quelqu'un qui a rendu un service énorme à l'ensemble de la nation. nation. Et quand on sait qu'à l'enterrement de cet homme d'Ambroise Croizat, il y avait 1 million de personnes, il n'y a jamais eu depuis quelqu'un qui a eu un enterrement avec 1 million de personnes. Il paraît qu'à l'enterrement de Victor Hugo, il y avait 1 million de personnes. Bien Ambroise Croizat, 1 million de personnes et personne ne le connaît. Parce que globalement, on peut dire que à part quelques rues, quelques squares, c'est le néant. Et il y a des raisons pour ça. Hein. C'est sûr que encore aujourd'hui, je vois bien hein, quand je passe mon film et qu'on circule en France, hein, dire que la sécurité sociale a été mise en place par un ministre communiste et que c'est la CGT seule qui était à la barre, ça fait encore grincer des dents. Mais la réalité est cruelle. Alors vous, c'est votre analyse, Gilles Perret, pour expliquer pourquoi la figure d'Ambroise Croizat a été écartée. C'est-à-dire que cette figure trop liée au Parti communiste, et en plus, si nous nous contextualisons, nous sommes pendant la guerre froide, cette figure pose problème dans la guerre froide. Il ne faut pas qu'un ministre communiste ait pu mettre en place la sécurité sociale. Oui, c'est ça. Alors, il ne faut pas enlever les mérites du haut fonctionnaire qui s'appelait Larocque, qui a mis en place et qui a écrit les textes point par point, les détails pour mettre en place et qui s'est battu toute sa vie sur les questions sociales. Mais c'est souvent lui qui est mis en avant. Donc, Pierre Larocque, dans les écrits, je vois dans les bouquins scolaires, les choses comme ça. Alors que Pierre Larocque, sans le rapport de force et sans la force militante de conviction et d'Ambroise Croizat qui est dite, les grands principes de la sécurité sociale, il ne pouvait rien faire. C'était son ministre de tutelle. Et c'est assez rare, finalement, qu'une loi ou qu'un personnage émerge, que ce soit un haut fonctionnaire et que ce ne soit pas son ministre de tutelle. En général, on parle des lois des ministres et pas des lois des hauts fonctionnaires. Gilles Perret, je vous propose d'écouter un extrait de votre propre documentaire, La Sociale. Vous avez été voir la sociologue Colette Beck qui explique que la sécurité sociale, et c'est ça qui est essentiel, a libéré les couches les plus basses de la société française du sentiment d'insécurité. Et ça, c'est quelque chose qui est fort et prégnant. Se libérer de l'insécurité, c'est un progrès. Nous écoutons Colette Beck. La sécurité sociale a totalement transformé la société française. L'espérance de vie. Fin 19e siècle, la moyenne espérance de vie, 45 ans. En 1960, donc 15 ans après l'instauration de la sécurité sociale, l'espérance de vie est à 70 ans, ce qui était énorme comme bond. La mortalité infantile était en 45, juste avant la sécurité sociale, de 108 décès pour 1000 naissances. Et elle est en 54, c'est-à-dire 9 ans seulement après, de 37 pour 1000. La sécurité sociale, elle a vraiment libéré les catégories les plus basses de la société de ce sentiment d'insécurité qui était un véritable cancer de la société française. Colette Beck, un extrait de La Sociale, votre documentaire, Gilles Perret. C'est quelque chose aussi que vous avez pu croiser sans cesse. Le sentiment, et ça correspond au titre du programme du Conseil national de la Résistance, Les Jours Heureux, ce sentiment que cela va aller mieux, qu'il est possible de faire quelque chose. Aujourd'hui, nous sommes peut-être dans une société qui n'a plus tellement le moral. Il y avait le sentiment que l'avenir serait meilleur. Oui, c'est ça. Il y avait un horizon qui se débouchait. On n'avait plus de force réactionnaire qui allait empêcher tout ça. Donc du coup, tout devenait possible. Ce qu'il faut dire, c'est que à l'époque, parce qu'aujourd'hui on dit il n'y a plus d'argent, c'est pas possible, vous vous rendez pas compte et tout ça. Mais ce qu'il faut bien dire et redire, c'est qu'à l'époque, la France était ruinée et le PIB était retombé à un tiers de ce qu'il était en 1929. Enfin, c'était la catastrophe totale, quoi. Et c'est à ce moment-là, quand la France est plus que ruinée, qu'on met en place des mesures aussi belles, des mesures de partage finalement, et des mesures de solidarité aussi ambitieuses. Et c'est vraiment très beau par la cotisation. C'est-à-dire que ce qui est fort dans la sécurité sociale, c'est qu'on décide de mettre dans un pot commun une partie de notre salaire pour nous protéger collectivement. Donc dans cette notion est très belle. La notion de cotisation sociale, c'est quand même magnifique de se protéger les uns les autres, mais sauf que c'est toujours décrié. D'ailleurs, c'est décrié aussi dans le vocabulaire, puisqu'on voit bien que le discours des syndicats patronaux a été aussi de jouer sur les mots, puisque ça s'est transformé dans l'esprit des gens en termes de charge sociale, comme si c'était une charge qui pesait, qui était lourde, alors que non, c'est de la cotisation sociale, et la cotisation, c'est beau, c'est des gens qui ont envie de se protéger les uns les autres, et d'autant plus que c'est non seulement c'est beau, mais en plus c'est pas cher, c'est-à-dire que la cotisation sociale par la sécurité sociale, je le disais tout à l'heure, c'est en termes de coût de fonctionnement, c'est 4 fois moins élevé que les complémentaires santé, et c'est beaucoup plus égalitaire, puisqu'on paye selon notre revenu, c'est un pourcentage de notre salaire, donc c'est très égalitaire, alors que les mutuelles, les complémentaires santé, tout ce qui est offert sur le marché aujourd'hui, et avec une bagarre terrible, finalement, on paye ce qu'on peut se payer avec un tarif fixe et d'ailleurs de plus en plus élevé. Donc la vraie révolution, c'était même de mettre une sécurité sociale à 100% pour la santé et puis qu'on n'ait plus besoin des complémentaires santé. Ça coûterait beaucoup moins cher et ce serait beaucoup plus égalitaire. Gilles Perret, vous avez raison, dire charge sociale est plus pesant que dire cotisation sociale. Non mais c'est vrai, dire que on se protège de l'angoisse de la maladie, c'est quand même mieux que de parler du trou de la sécu. C'est ça, il y a un vocabulaire non, aussi. Vous savez, pendant la crise du Covid, il y a eu des reportages qui ont été faits là-dessus, et je vois des reportages entiers consacrés avec des bandeaux sur notamment le journal de France 2 qui parlent de charge sociale, et c'est une erreur de vocabulaire. Alors écoutez, à l'heure où le monde bouge, à l'heure que ton cœur apprend la misère, eh bien les jours heureux vont revenir. Oui, ça sont les paroles d'une chanson de Charles Aznavour au cœur des années 1970. Nous l'écoutons dans le cours de l'histoire. À l'heure où le monde bouge, alors que ton cœur apprend la misère, il te faut tendre de rouge. Il te faut peindre de sang ta raison. Quand les loups font ta récolte, ils t'enseignent malgré toi la colère. Laisse gronder ta révolte, prends la fronde et quitte donc ta maison. Courrier de l'insouciance et des jours heureux. J'ai laissé dormir ma ferme et mes outils se rouiller dans la grange. Car l'unique grain qui germe pousse au sol de mes pensées en fusion. Mais après vents et tempêtes, lorsque chantera la paix sur la terre, pesamment comme une bête, je viendrai soigner mes plaies sur tes flancs, loin du monde en équilibre, entre la peur et le jeu de la guerre. Je serai un homme libre. Je serai un homme Dieu tout puissant. Ils renaîtront les jours heureux, les soleils verts de notre vie. Ils reviendront semer l'oubli feu et refleuriront avec eux les fruits pervers de l'espérance avant courir de l'insouciance. France Culture et des jours heureux. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Les jours heureux par Charles Aznavour dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Alexandre Manzanares avec aujourd'hui à la technique Stéphane Poitevin. Aujourd'hui dans le cours de l'histoire, nous nous intéressons à la sociale, à la sécurité sociale avec vous Gilles Perret. Quand vous présentez vos films, Gilles Perret, que ce soit Les jours heureux, que ce soit à la sociale, et puis il y en a d'autres hein, bien sûr, je cite ceux qui nous intéressent particulièrement aujourd'hui, quelles sont les réactions? Vous avez des publics variés, j'imagine, de ceux qui ont connu l'évolution de la sécurité sociale, et puis de ceux qui sont nés complètement dedans et qui n'y ont peut-être pas réfléchi, les plus jeunes. Vous avez quoi comme réaction quand ils découvrent l'histoire de cette institution ? Déjà, je crois qu'il y a beaucoup d'émotions, parce que c'est vrai que bon, dans mes films, j'essaye aussi de jouer un petit peu sur les affects, le rire, les émotions, mais surtout, il y a de la colère. Et en fait, la colère, c'est parce que c'est pourquoi on nous a pas raconté cette histoire comme ça, quoi. Parce qu'en fait, c'est assez simple de raconter cette histoire. Enfin, c'est ce qu'on fait ce matin, mais de raconter ce que c'est que la sécurité sociale, ces cotisations, le fait que ce soit plus égalitaire, que ça coûte moins cher, que finalement, on met dans un pot commun, on se protège tous ensemble. C'est quand même pas très compliqué à expliquer. C'est même tellement évident que ça coûte moins cher parce que l'effet d'échelle, finalement, puisque l'ensemble de la population cotise, fait que les coûts de fonctionnement sont beaucoup moins élevé. La sécurité sociale n'a pas besoin de faire de pub, donc ça coûte moins cher. Elle n'a pas des actionnaires à rémunérer, donc ça coûte moins cher. Et c'est d'une efficacité redoutable. Les soins sont remboursés en quelques jours. Donc donc du coup, quand on raconte l'histoire comme ça, on nous dit, mais comment ça se fait qu'on ne nous a pas raconté cette histoire de cette manière-là? Et ce qui est aussi surprenant, c'est que finalement, ceux qui devraient faire ce travail, ça devrait être la sécurité sociale, ça c'est pas difficile de se défendre, alors que les gens, quand on parle de sécurité sociale, on dit, oh, le trou, oh là là, ça marche pas, c'est des fonctionnaires, enfin tout des contre-vérités, puisque le trou finalement est déjà négligeable par rapport au budget total de la sécurité sociale, et en même temps, dès que Croiza fait la sécurité sociale, ça n'a jamais été conçu pour être bénéficiaire, au contraire, on adaptait la cotisation et on pourrait continuer de faire ça selon le besoin de santé. Et donc finalement, à chaque fois que la médecine fait des progrès, ça coûte un petit peu plus cher, mais en même temps la France s'enrichissant chaque année, on cotise un petit peu plus, et finalement le trou a toujours existé. Donc le trou, moi, les premières archives que j'ai consultées, on en parle déjà dans les années 50. Donc voyez, si c'était une affaire catastrophique, il y aurait longtemps que la sécu serait mort et enterrée. C'est juste qu'on adapte la cotisation selon le besoin de santé, et donc du coup il y a toujours eu un décalage et un léger déficit. Vous savez, la sécurité sociale elle entre en déficit le 28 décembre sur l'année, c'est vous donner l'ampleur du trou, et puis après il suffit de cotiser un petit peu plus. De toute façon, il faut se dire que tout ce qu'on met pas en cotisation dans la sécurité sociale, si on veut se protéger de la même manière, il va falloir aller prendre des assurances privées ou des complémentaires qui vont vous coûter plus cher. Donc il vaut mieux cotiser plus, et puis on sera bien mieux protégé. Et puis il y a une évolution du regard porté sur la sécurité sociale. C'est pour ça que dans le cours de l'histoire, nous intéressons à votre travail, Gilles Perret. On va retrouver la même chose hein, chez des réalisateurs de fiction, chez Ken Loach, cette réflexion du avant après, au sens où certains ont connu ce qu'il y avait avant la mise en place de la sécurité sociale et ont été très conscients de la nécessité d'une protection sociale commune. Je vous propose d'écouter le ministre de la Santé publique sur la nécessité d'une politique de santé publique. C'est René Artaud en 1946. Monsieur René Artaud, ministre de la Santé publique, vous parle. Après cette guerre de 6 ans et notre victoire si chèrement payée, le but essentiel de mon ministère est de restaurer la santé de la nation française, d'enrayer les progrès de la tuberculose, notamment parmi les rapatriés d'Allemagne, de mettre un terme à la mortalité infantile et aux grands fléaux sociaux. Cette œuvre immédiate et salutaire doit s'insérer dans le cadre d'un plan dont j'indique brièvement les perspectives plus larges et plus éloignées. Il s'agit de développer la prévention, car mieux vaut prévenir que guérir, et dépister la maladie doit être notre première préoccupation. Il s'agit de donner une place importante aux représentants des malades dans l'organisation de la santé publique et de défendre avant tout leurs intérêts. Il s'agit de placer la médecine à la portée de tous, sans distinction de richesse, et d'étendre le champ de la sécurité sociale. Il s'agit enfin de s'inspirer dans tous les domaines des progrès de la technique moderne. C'est ainsi que notre œuvre constituera un des facteurs du redressement national dont nous serons les artisans passionnés, toujours au service de notre peuple et de la patrie renaissante. En 1946, René Artaud, ministre de la Santé, à propos de la nécessité d'une politique de santé publique. Gilles Perret, il y a aussi quelque chose qui nous parle à nous. Cette histoire nécessite de se poser à un moment de l'histoire. Ce n'est pas la même chose pour les gens de 1946, au moment où est mise en place la sécurité sociale. Et puis, pour ceux d'aujourd'hui, nous sommes nés dedans. Nous ne connaissons pas ce qu'il y a avant. Vous l'avez ressenti, vous, ce décalage aussi ? Oui, bien sûr. C'est une évidence pour beaucoup de gens. Et c'est vrai que c'est pour ça aussi que je fais ce type de travail. C'est que faut bien rappeler que ça a été construit, bâti, mis en place dans le rapport de force. Et donc, ça veut dire que ça peut aussi être détruit et que ce sera pas forcément éternel. Et que finalement, les logiques vis-à-vis de cette sécurité sociale restent les mêmes. C'est-à-dire que à l'époque, les gens qui voyaient... qui perdaient une bonne partie de leur revenu, finalement, toutes ces assurances privées, la médecine générale, enfin, qui se sentaient menacées, finalement, sont toujours à l'œuvre aujourd'hui. Vous imaginez bien que la sécurité sociale, c'est un quart du PIB qui est mis en cotisation, donc qui échappe complètement à la loi du marché. C'est pas loin de 400 milliards d'euros qui, chaque année, échappent au privé. Donc, le gâteau est très appétissant, et donc, du coup, les logiques, même si le temps passe, les logiques restent les mêmes. Il y a beaucoup de gens qui ont intérêt à mettre la main sur ce gâteau. Et ça, c'était le cas en 1945 et c'est toujours le cas aujourd'hui. D'autant plus que les politiques, autant le programme du Conseil national de la résistance, c'était la reprise en main par l'État finalement de beaucoup de branches avec un pouvoir politique fort qui donnait des grandes orientations, des plans, des choses comme ça. Autant aujourd'hui, on est à 180 degrés inverse dans les logiques politiques qui sont mises en place en ce moment. Et puis dans l'histoire de la sécurité sociale, il y a des moments différents dans l'objectif. Soigner est une évidence, soigner les gens malades est la priorité au moment où est mise en place la sécurité sociale. Et puis tout doucement, la sécurité sociale s'occupe de plus en plus de la santé des Français et des Françaises en prévenant. La prévention devient aussi quelque chose d'essentiel. La sécurité sociale devient notre quotidien. Je vous propose une archive, elle vient des actualités françaises. C'était en avril 1956. Attention, prévenir c'est guérir. Tout homme bien portant est un malade qui s'ignore, dit un vieil adage. Les statistiques, elles, prouvent qu'à Paris, une personne sur dix, qui est peut-être ce Parisien anonyme, est atteinte d'une affection qu'elle ignore. C'est à lui, plus spécialement, que par l'intermédiaire du Courrier quotidien, la sécurité sociale de la région parisienne offre le moyen de contrôler son état de santé et celui des siens, gratuitement et dans les conditions les plus simples. Son nom, son adresse, et le voici convoqué avec sa famille au centre d'examen le plus proche. Nombre de maladies, on le sait, peuvent être prévenues par un diagnostic précoce. Un examen clinique rapide mais complet le rassurera sur son état de santé et celui des siens, ou le mettra en mesure d'écarter à temps tout danger ultérieur. Parisiens, ne négligez pas cette facilité. Ce serait au risque de compromettre votre santé. Prévenir, c'est guérir. Plus que jamais, cet adage est d'actualité. Une archive d'avril 1956 sur les examens médicaux gratuits mis en place par la sécurité sociale. Oui, prévenir, c'est guérir. La sécurité sociale, son histoire en tout cas, fait partie de notre histoire comme une évidence. Gilles Perret, à partir de quel moment pensez-vous que cette réflexion mise en place pendant la Seconde Guerre mondiale avec le programme du Conseil national de la résistance et puis appliquée après-guerre commence à disparaître, commence à être détricotée? Comment les gens que vous avez pu intervenir analyse ces attaques contre la sécurité sociale? Je crois qu'elles viennent assez vite, en fait. Parce que je crois que c'était le premier président du syndicat patronal, enfin du MEDEF actuel, qui avait dit, fin des années 40, il avait dit en 45, ils nous ont pris tout ça, on mettra le temps qu'il faudra, mais on leur reprendra tout. Donc du coup, je crois que les attaques sont venues assez vite. Mais il se trouve que pendant plusieurs décennies, il y avait quand même une reconnaissance, en tout cas, parce qu'il y avait des grandes figures de la résistance qui étaient encore en vie, et donc cette idée du Conseil national de la résistance, à la fois par les gaullistes et par les communistes, faisait que il y avait un certain respect pour ce qui avait été mis. À partir des années 70, on va dire, les attaques se font plus sévères, et une des premières attaques qui vient fortement, elle vient d'ailleurs du général de Gaulle, hein, parce que c'est pas lui qui a mis en place, il a laissé passer, parce que le rapport de force lui a imposé de laisser passer cette sécurité sociale en 1945, mais en 67, les ordonnances Jeanneney font que là où les salariés avaient 75% du pouvoir décisionnel à l'intérieur de la Sécu, on passe à 50%. Ça veut dire que finalement, à partir de ce moment-là, les patrons ont autant, il y avait toujours un syndicat, même un petit syndicat réformiste minoritaire qui signait avec les patrons, et donc du coup, c'est eux qui ont un peu pris la main sur la sécurité sociale, et ça, on voit bien que, bon, bah, aujourd'hui, on voit bien sur qui s'appuient les gouvernements pour faire passer les réformes, comme ils disent. Il y a toujours un syndicat réformiste, je ne vais pas le citer, mais qui est là pour faire passer les choses. Donc, finalement, l'histoire se répète. Et c'est sûr que dans les années 80, avec l'arrivée du néolibéralisme qui arrive comme une vague, l'idée qu'on puisse consacrer un quart du budget qui échappe au marché, c'est proprement insupportable par les libéraux. Donc, du coup, les attaques se font de plus en plus importante, et donc du coup, ben, une part de plus en plus importante de la sécurité sociale est confiée au privé, et surtout il y a une décrédibilisation de cette institution qui se met en place, avec en face une sécurité sociale qui se défend très mal. Pourtant les arguments sont simples, mais elle n'a pas de budget de communication, et même à l'intérieur de la sécurité sociale, on peut dire que les dirigeants qui sont à la tête sont formés dans les écoles, qui avec un courant de pensée qui est plus un courant de pensée libéral, et donc on s'éloigne de la dimension politique, et on rentre dans une logique comptable, et on s'éloigne d'Ambroise Croizat. Alors que la dimension politique est essentielle, parce que la politique, c'est extrêmement noble. C'est bien réfléchir à la vie publique. Voilà, vous imaginez bien, quand on dit on va donner accès à la santé pour tous, qu'est-ce que vous pouvez trouver de plus beau, quoi? Et ça, c'est une vraie dimension politique, c'est une vraie volonté. On met les moyens qu'il faut. Vous allez me dire, Emmanuel Macron a repris ces termes, puisque on a dit dans son discours que pour la santé, il n'y aurait plus de limite de budget, qu'il y avait des priorités. Bon, après, ça a déjà changé un petit peu, je crois. Gilles Perret, justement, nous allons relier le passé au présent de manière évidente. Nous évoquons le Conseil national de la Résistance, et aujourd'hui, il y a un nouveau Conseil national de la Résistance, un Conseil national de la Nouvelle Résistance. Alors, c'est pas un nouveau Conseil, c'est une nouvelle Résistance. Quelle est cette ambition, ce projet ? Non, en fait, l'idée des créateurs, enfin des créateurs, ça fait un peu prétentieux de dire ça, en tout cas des gens qui sont à l'initiative, c'était de se dire, en fait, en ce moment, on voit bien qu'on est dans un moment charnière de notre vie politique, avec les déclarations qui sont faites, mais aussi suite à cette crise du Covid, qui justement a remis en avant la nécessité de cette sécurité sociale, de cet hôpital public, c'est de se dire, il y a des appels qui émergent de partout, alors un appel du côté des artistes, avec les intermittents, des appels du côté écologique, avec Retour sur Terre, Pablo Servigne, des gens comme ça, Dominique Bourg. Il y a des appels des mouvements syndicaux comme Plus Jamais Ça. Il y a un autre mouvement qui s'appelle Se Fédérer. Enfin, tous les jours, il y a une tribune pour essayer d'inventer le jour d'après, ou en tout cas les jours heureux d'après. Et donc, du coup, l'idée du CNNR, donc Conseil National de la Nouvelle Résistance, c'est d'essayer de fédérer tous ces mouvements, comme avait pu le faire à notre échelle. Enfin, restons à notre échelle, mais comme avait pu le faire le Conseil national de la Résistance, qui finalement avait réussi à fédérer des gens qui n'étaient sur le papier, qui n'étaient pas forcément d'accord, mais qui avaient quand même un but commun, c'était d'améliorer le quotidien, en étant persuadé qu'un jour, non seulement on aurait les moyens, mais on aurait aussi le nombre de gens pour essayer d'envisager un monde plus solidaire et qui ne soit pas régi uniquement par des logiques économiques, et qui soit moins, alors évidemment que la question sociale est très présente dans le Conseil national de la Nouvelle Résistance, mais elle est au moins aussi présente que la question écologique, qui est un autre péril qui est encore bien plus grave et qui nous arrive dans la figure si on fait rien, et force est de constater que rien n'est fait depuis pas mal d'années, mis à part des effets d'annonce. Gilles Perret, vous le voyez bien par vos films, parce que vous nous dites sur ce Conseil national de la Nouvelle Résistance, il y a un écho qui est fait sans cesse aux réflexions qui se sont mises en place pendant la Seconde Guerre mondiale, celle du Conseil national de la résistance, alors que, et c'est un peu le sens de vos films, hein, que ce soit Les Jours heureux ou La sociale, il ne faut pas oublier comme si ça avait été oublié, comme si ça avait été figé, mis sous globe, alors que c'est la vivacité qui transparaît dans les témoignages que vous recevez. Oui, c'est ça. Moi, je vois bien. Donc, moi, je vis en Haute-Savoie et qui est une terre de résistance, en tout cas avec le plateau des Glières, où on organise chaque année un rassemblement au mois de mai, qui s'appelle Parole de résistance. Mais en Haute-Savoie, quand on parle de résistance, on l'a mise sous cloche, c'est-à-dire on l'a mise dans le formol et les instances politiques du département, le préfet, enfin tout le monde va faire de la gloriole en remettant des médailles. Il y a le 27e BCA qui va la fanfare qui va jouer, mais en fait on glorifie des héros, mais on les a figés dans le passé. Et moi, c'est pas ces gens-là que, en tout cas, c'est pas ce que ces anciens résistants et résistantes m'ont raconté. C'est pas des gens du passé, c'est des gens qui sont toujours dans le présent et qui sont toujours tournés vers le futur. Donc moi, j'ai pas envie qu'on les enferme et qu'on en fasse des icônes dépourvues d'idées politiques. Gilles Perret, d'ailleurs, je voudrais que l'on évoque ce rassemblement Parole de résistance, de résistants, parce qu'il y a quelque chose d'intéressant déjà sur le lieu, le plateau des Glières. Vous rappelez combien ce lieu est important pour la résistance. Oui, c'est un haut lieu de la résistance et depuis maintenant 2007, il y a un rassemblement qui s'appelle Parole de résistance et qui est tourné justement sur la question de la pensée des résistants autour du Conseil national de la résistance. Et l'idée, c'est de donner la parole à d'anciens résistants, mais que ces gens-là partagent la tribune avec ce qu'on qualifie de nouveaux résistants, ou en tout cas maintenant, depuis quelques années, on appelle ça les lanceurs d'alerte. Mais c'est vrai qu'on les faisait intervenir déjà avant sur le plateau des Glières et sur finalement des gens qui se sont illustrés par des désobéissances, par une prise de risque sur des cas. Alors il n'y a pas la mort forcément au bout, et encore certains se sont mis en danger, des témoins qui sont venus témoigner sur le plateau des Glières, mais qui portent les mêmes valeurs que ce que pouvait porter le Conseil national de la résistance, et avec le soutien d'anciens résistants qui cautionnent ce qu'on fait, puisque nos parrains sont Raymond Aubrac, Stéphane Hessel, Walter Bassan, Henri Bouvier ou John Berger, enfin, donc, qui nous ont poussés à aller dans ce sens-là. Et puis, ça se fait aussi avec des débats, des conférences, des films, du théâtre, sur ces questions de société, dans un esprit plutôt positif, en disant, bon, la situation est compliquée, mais elle était bien plus compliquée dans la Seconde Guerre mondiale. On n'a jamais été aussi riche, donc il n'y a pas de raison de pas envisager de nouveaux jours heureux, en tout cas, d'une société un peu plus égalitaire, solidaire et prête à affronter les défis sociaux et climatiques qui nous attendent. Et puis, c'est ce dialogue entre le passé et le présent, l'actualité qui nous intéresse quand on fait de l'histoire. Et vraiment, dans cette réunion où vous faites intervenir des résistants du passé, alors il y en a de moins en moins, mais en tout cas des porteurs de parole du passé et d'aujourd'hui. Et ceux d'aujourd'hui, en fait, alors ils peuvent venir de partout dans le monde, trouvent un écho. En fait, c'est toujours le même discours. Il y a presque une universalité dans ce qu'ont pu penser ceux qui ont rédigé le programme du Conseil national de la résistance. Tout n'est pas applicable, tout doit être contextualisé, évidemment, mais malgré tout, il y a toujours des fils à tirer. Ah, mais complètement, c'est ça qui est, à la limite, qui est beau et qui est rassurant, c'est que finalement, les hommes qui habitent dans l'hémisphère sud, dans l'hémisphère nord, en France, à l'étranger, ont toujours finalement les mêmes esprits, et quand ils se mettent ensemble, d'ailleurs, autour d'une table, les discussions, finalement, sont souvent du même acabit, et on trouve aussi, je vois, quand on a créé le Conseil national de la nouvelle résistance, finalement, autour de la table, on se retrouvait, alors, avec pas les mêmes conséquences et pas dans la même ambiance, mais en tout cas les mêmes contradictions, les mêmes discussions, les mêmes échoppements sur des visions de la société, mais on retrouve quand même dans les gens qui se battent et qui ont envie de faire bouger les choses, des gens qui consacrent énormément de temps pour le bien commun et qui n'ont rien à gagner sur le plan financier, sur le plan de la gloriole, sur l'ego, mais qui ont, et donc beaucoup beaucoup de belles personnes, et ça partout dans le monde il y a des gens comme ça, et c'est sur des gens comme ça qu'il faut s'appuyer, et certainement pas sur les gens avides de profit et qui n'ont que l'économie et le court terme comme vision. Je vous propose, Gilles Perret, un extrait d'un autre de vos films, Les Jours heureux. Nous avons écouté un extrait de La sociale tout à l'heure. Dans Les Jours heureux, Léon Landini, ancien résistant, évoque les héritages sociaux du programme du CNR. Encore aujourd'hui, Je me réfère souvent au programme du Conseil national de la Résistance. Ce programme, rédigé dans la clandestinité, était constitué de deux parties. La première s'intitulait « Plan d'action immédiate » afin de se libérer des occupants et des collaborateurs. C'est à cette partie que j'ai participé activement. La deuxième partie était constituée d'un programme politique à appliquer dès l'après-guerre. C'est lui qui structure encore l'état social tel que nous le connaissons. Nous lui devons la sécurité sociale, les retraites par répartition, la nationalisation de l'énergie, les comités d'entreprise, la liberté de la presse, etc. Léon Landini, ancien résistant dans Les Jours Heureux, votre documentaire Gilles Perret. Quand vous avez un témoignage comme cela et que vous faites venir cet ancien résistant à la rencontre de résistants d'aujourd'hui, quelle est sa réaction ? J'ai l'impression que les résistants sont toujours très optimistes et surtout sont souvent très proches des jeunes. Et les jeunes, en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que ça a été vrai pour tous mes films. Il y a beaucoup de jeunes qui s'identifient. C'est parce qu'à l'époque, ces résistants, ils ont désobéi, ils ont écouté leur instinct, ils ont écouté leur envie de faire progresser le monde. Et il y a beaucoup de jeunes qui ont ça en eux. Et donc, Walter Bassan, avec qui j'ai beaucoup travaillé, un ancien résistant, était toujours très, très optimiste sur les jeunes générations et sur le, si une situation équivalente arrivait en France avec des mesures liberticides et répressives comme ils avaient dans la Seconde Guerre mondiale, eh bien, il y aurait toujours des gens pour se dresser, pour se lever, pour s'organiser et pour envisager des jours heureux. Merci beaucoup Gilles Perret. C'est exactement cela que l'on ressent quand on écoute Annette Beaumanoir, qui a parlé dans le cours de l'histoire, une émission à réécouter sur le site internet ou en podcast. Et puis c'est ce qu'on va entendre demain avec une autre figure de la résistance, Anis Postel-Vinet. Anis Postel-Vinet qui vient de nous quitter à l'âge de 97 ans. Elle avait été résistante très jeune, hein. Elle n'avait pas encore 20 ans, donc elle était mineure, arrêtée en août 1942, emprisonnée et déportée à Ravensbrück. Un entretien inédit qui avait été enregistré en 2015. Eh bien, on retrouve chez Annette Beaumanoir et chez Anis Postel-Vinet cette même énergie et aussi, Gilles Perret, ce sourire. Il y a beaucoup de sourires en fait. C'est vrai, et je voulais juste préciser qu'Annette Beaumanoir est notre présidente d'honneur du Conseil national de la Nouvelle Résistance, cette femme pleine d'énergie et à qui vous avez consacré une belle émission. Donc, merci pour elle et merci pour ces émissions en tout cas. Merci beaucoup à vous Gilles Perret. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission dont la programmation est assurée par Amélie Perrois. Amélie, à qui nous devons l'entretien inédit avec Anis Postel-Vinet, un entretien qui sera diffusé demain. Le cours de l'histoire, une émission préparée par Anne Toscan-Viudès, Marion Dupont, Camille André, Camille Rijade. À demain dans le cours de l'histoire.